Écoute. Les anguilles glissent. Vous allez écouter maintenant avec attention les phrases suivantes. Vous avez l'air bien fatigué, vous deux. À 9h du matin, comment est-ce possible? Essaie de prendre le métro aux heures de pointe et de voyager 20 minutes debout, serré comme des sardines ou des harengs. À toi de choisir et tu verras. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu muet comme une carpe? Tu as un problème? Tu veux m'avouer quelque chose? Parle! Je ne sais pas s'il ment ou s'il dit la vérité. C'est toujours comme ça avec lui. On ne peut jamais savoir ce qu'il pense vraiment. Il glisse comme une anguille. Il est sympathique, Georges. Tu ne trouves pas? Attention, c'est un requin, cet homme-là. Ce n'est pas la peine d'insister. Je n'ai aucune intention de perdre mon temps et ma patience avec elle. Avec elle, on ne sait jamais sur quel pied danser. Bien sûr, c'est toujours intéressant à voir ce genre de réception. Mais moi, je n'y vais plus. J'en ai assez de me sentir comme un poisson hors de l'eau. Conversation. Un aquarium géant. Ils ont de la chance, les poissons. La chance? Pourquoi? Regarde. Regarde un peu leur monde. Toutes ces merveilles, ces couleurs, ce silence. Ce sont des merveilles pour nous. Mais pour eux, c'est une autre histoire. Ce corail magnifique, par exemple. Il est peut-être très vénéneux pour certains poissons. Et ce coquillage est peut-être pour eux un prédateur. Ils parlent du silence. Nous n'entendons rien. Mais eux, si. Ils perçoivent chaque bruit, chaque son. Chaque voix de cette mer, c'est leur milieu. C'est peut-être aussi leur enfer. Si on pouvait communiquer avec eux. Et alors? Ils nous raconteraient leur vie. Ils nous parleraient de leurs peurs et de ce qui leur plaît. Moi, je crois qu'ils nous diraient de nous en aller. De les laisser tranquilles. De ne plus déverser de pétrole dans la mer. Ouais, je crois bien qu'ils nous détesteraient. T'es pessimiste aujourd'hui. Mets-toi à leur place. Et puis nous, nous trouvons que les poissons sont très beaux à voir. Mais peut-être qu'ils nous trouvent horribles. Surtout quand ils nous voient avec nos bouteilles d'oxygène sur le dos, nos masques et tout notre équipement. C'est vrai, je n'y avais jamais pensé. Nous sommes certainement plus laids que les plus laids de leurs requins. Quelle horreur! Et pourtant, regarde, ils n'ont pas peur de nous. Ils sont même très curieux. Ils nous toucheraient presque. Mais toi, qu'est-ce que tu préférerais être? Un poisson? Un coquillage? Une algue? Moi? Oui. Un coquillage, peut-être. Pourquoi? Je ne sais pas, je me sentirais plus protégé. Et toi? Un hippocampe. C'est vrai. C'est un animal vraiment extraordinaire, plein de mystères. Bien dommage. Qu'est-ce qui est dommage? Que nous ne soyons que des êtres humains. Que nous soyons incapables de respecter ce qui nous entoure, incapables aussi de nous respecter nous-mêmes. Les poissons que nous voyons vont et viennent et ne pensent qu'à se nourrir, se promener et dormir. À tuer pour pouvoir se nourrir et à se défendre pour pouvoir dormir. C'est la loi de la nature. Oui, eh bien moi, je préfère ma vie d'être humain. C'est plus tranquille. Enfin, de nos jours et dans nos sociétés civilisées... On devrait acheter un aquarium, tu sais. Oh oui, ce serait merveilleux. Un aquarium avec des poissons exotiques. De toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les dimensions. Oui, mais ça coûte cher. Qu'est-ce qui nous empêche d'en pêcher quelques-uns maintenant? Ouais, ça. Tiens, celui-là, par exemple. Et celui-là, avec les nageoires bleues. Prends-le. Et le gros, là-bas. Oh oui, je n'ai jamais vu de poisson aussi gros. Il nous faudra un aquarium géant. Et la piscine. Tu ne penses pas à la piscine? C'est formidable, la piscine. Nager au milieu de tous ces poissons. Prends quelques coquillages aussi, et des algues, et des coraux. Quelle merveilleuse idée! Ils ont de la chance, les poissons. De la chance? Pourquoi? Regarde. Regarde un peu leur monde. Toutes ces merveilles, ces couleurs, ce silence. Ce sont des merveilles pour nous, mais pour eux, c'est une autre histoire. Ce corail magnifique, par exemple, il est peut-être très vénéneux pour certains poissons. Et ce coquillage est peut-être pour eux un prédateur. Tu parles du silence. Nous n'entendons rien. Mais eux, si. Ils perçoivent chaque bruit, chaque son, chaque voix de cette mer. C'est leur milieu, et c'est peut-être aussi leur enfer.

Je te conseille vivement de les lire attentivement si tu ne veux pas transgresser les lois de notre Constitution. N'oublie jamais que nul n'est censé ignorer la loi. Le Parlement doit discuter aujourd'hui à propos d'un nouveau projet de loi. Et tu penses que les députés voteront la loi ? C'est difficile à dire. On verra. D'abord, ils sont censés en discuter. La peine de mort devrait être abolie dans tous les pays. Oui, c'est une loi qu'il faudrait abroger partout. Notre député a proposé d'amender la loi que le Parlement a votée l'année dernière. J'espère qu'il réussira à convaincre ses collègues. Que tu enfreignes le code de la route simplement pour le plaisir d'enfreindre des lois, je trouve ça ridicule. Tu n'es plus un enfant, enfin. Et tu es censé savoir que c'est très dangereux. Voici maintenant quelques phrases sur les conjonctions finales. Messieurs, mesdames, faites silence, s'il vous plaît. Nous sommes ici afin que le projet de loi soit discuté dans les meilleures conditions. Notre député a prononcé un discours pour qu'on amende la loi qu'il avait proposée l'année dernière. Taisez-vous que je puisse enfin écouter le texte de ce nouveau projet de loi. Le Parlement n'a pas voulu abroger la loi du député marseillais, de crainte que la population ne réagisse trop violemment à sa décision. Aujourd'hui, non, je n'irai pas au Parlement, de peur que les journalistes me reconnaissent et commencent à me poser trop de questions. Prise de parole. Le royaume des truands. Vous allez écouter et répéter les phrases suivantes qui évoquent quelques délits. La loi punit de nombreuses infractions et c'est normal. Mais il faut quand même admettre qu'il y a une grande différence entre un simple délit et un crime. Entre un vol à la tire par exemple, et un vol à main armée. On ne peut plus vivre dans ce quartier. Il y a un vol avec effraction tous les soirs. Tu te rends compte? Déménage alors. Tu crois que c'est aussi simple? Et puis, c'est partout la même chose. Mon beau-frère me racontait l'autre soir que sa rue est pleine de délinquants. Et je t'assure que c'est une des rues les plus belles de la ville. La nuit, la ville devient le royaume des truands de toute espèce. On ne peut plus mettre le nez dehors sans risquer de rencontrer un voleur ou quelqu'un qui vient te proposer des stupéfiants. De nos jours, il y a des gens qui commettent un meurtre simplement pour vous voler votre portefeuille. C'est de la folie. Pense au Moyen-Âge. C'était bien pire alors. On commettait des assassinats pour un oui, pour un non. Le trafic de la drogue, c'est la plaie de nos villes. Pour moi, il n'y a qu'une solution. La peine de mort. La peine de mort pour tous ceux qui vendent l'héroïne, la cocaïne et tout le reste. Et aussi pour les ravisseurs. Mon voisin est un individu peu fréquentable, non. Laisse tomber. Il finira bien par baisser le son de sa télé tout seul. Je n'ai aucune intention d'aller frapper à sa porte, moi. Il a été surpris par la police avant qu'il ait eu le temps de commettre un viol. Tu vois, les miracles, ça arrive. Je suis heureux que ce malfaiteur ait été pris par la police. Moi aussi, et j'espère bien que maintenant notre rue redeviendra tranquille, comme avant. Non, je ne crois pas qu'il ait pu organiser tout seul cet enlèvement. C'est trop compliqué. Penses-tu qu'il ait commis le meurtre ? Non, c'est un cambrioleur, pas un assassin. Prise de parole. En flagrant délit d'adultère. Vous allez écouter et répéter quelques phrases concernant le déroulement d'un procès. Voilà le coupable. Il n'est pas coupable, pas encore. Il est inculpé. Inculpé de vol à main armée, c'est tout. Regarde un peu l'inculpé. Il aurait pu s'habiller plus correctement pour se présenter devant les juges. C'est vrai, on ne comparait pas comme ça au tribunal. J'espère qu'il a un bon avocat. Soyez tranquille. je suis sûr que ma plaidoirie va convaincre le jury de votre innocence, même si les jurés ont l'air assez sévères. Je crois bien que le procès va être très long. La défense et le procureur doivent interroger plus de 15 témoins. Ah bon ? Un procureur et un procurateur, ce n'est pas la même chose ? Non, un procurateur, c'était quelqu'un qui, dans l'Antiquité, à Rome, gouvernait une province. Et un procureur, tu sais bien ce que c'est. C'est le métier qu'exerce ton père. Vous avez été pris en flagrant délit d'adultère ? Malheureusement, oui. Je ne vous cache pas que l'acquittement sera difficile à obtenir. Alors, le procès s'est bien passé ? Oui, mon client a été acquitté pour manque de preuves. Je trouve que cette condamnation est très sévère. Toutes les personnes jugées coupables pensent que les sanctions prononcées par le juge sont trop sévères, que ce soit une simple amende ou que ce soit une peine plus grave. Tout le monde savait qu'il était coupable et on l'a absous. Que veux-tu ? Le principal témoin de l'affaire ne s'est pas présenté au procès. On ne pouvait rien faire. Prise de parole. Derrière les barreaux. Vous écouterez quelques phrases concernant la vie pénitentiaire et vous les répéterez. On lui a donné une peine de 20 ans de détention. Cela signifie que dans 20 ans, ce monstre sera encore parmi nous ? C'est un scandale ! Les menottes ? Mais c'est inutile. Vous croyez que je vais essayer de fuir avec tous les policiers qu'il y a ? Je suis peut-être un voleur, mais je ne suis pas fou. Soyez calme, monsieur. On va vous conduire maintenant à votre établissement pénitentiaire. Vous me conduisez en prison et je devrais rester calme ? 5 ans derrière les barreaux, c'est long. Il va lui falloir du temps avant qu'il s'habitue à la vie normale. Voici votre cellule. Et voici le détenu qui la partagera avec vous. Et vous, vous êtes... Votre geôlier, monsieur. Ou votre ami. À vous de choisir. Qu'est-ce que tu as ? Je te trouve bien agité aujourd'hui. Je viens du parloir. Mon avocat vient de m'annoncer que ma peine de détention a été commuée en arrêt domiciliaire. Je vais enfin pouvoir revoir le soleil. Comment ? Tu as l'intention de fuir ? Parle moins fort. Oui, mon projet d'évasion est parfait. Et tu veux que je fuie avec toi ? J'ai besoin de quelqu'un qui connaisse bien la région. Et c'est dans cette région que tu es né. Et que tu as grandi, je crois. Oui, mais... Tu as peur ? Non, mais on parle d'une amnistie. Crois-moi, la grâce, nous, on n'aura jamais. Il me semble que le robinet de la cellule fuit. Tu ne veux pas que nous fuyions avec toi ? Écoute. Mesure draconienne. Voici quelques expressions imagées. Vous allez donc les écouter. Tu es au début de ta carrière. Tu ne peux pas te permettre d'accepter de défendre des gens dont les causes sont trop difficiles à défendre. Ce n'est pas en te faisant l'avocat du diable que tu réussiras dans la vie. Il vient de prononcer une catilinaire contre nous en notre absence. Ça, il nous le paiera. Écoute-moi bien. Cette affaire ne nous regarde pas. Et je t'assure qu'il vaut mieux que nous nous en lavions les mains, sinon... Sinon, nous risquons d'avoir de gros problèmes. Vraiment, nous ne sommes pas censés nous en occuper. Le gouvernement vient de prendre des mesures draconiennes contre la pollution. Il était temps. On ne peut plus perdre notre temps à discuter sur ce problème. Personne ne trouvera jamais une solution à ce dilemme. Alors ? Oui. Lavons-nous-en les mains. Le professeur m'a mis sur la sellette pendant plus d'une heure. Pourquoi ? Tu ne savais pas ta leçon ? Je n'ai pas eu le temps d'étudier hier soir. Je le lui ai dit, mais il a fait semblant de ne pas m'entendre. Et il a décidé de m'interroger quand même. Conversation. Regardez comme il souffre. Ah ouais. Monsieur le juge, messieurs, mesdames les jurés, je voudrais attirer votre attention sur le triste état dans lequel se trouve actuellement mon client. Regardez-le, regardez bien le résultat d'une longue vie de sacrifice, de dur travail dans les mines pour nourrir une famille de 10 enfants. Oui, j'ai bien dit 10 enfants, et d'une maladie pulmonaire qui l'a empêché par la suite de continuer une vie honnête. Je ne voudrais pas vous interrompre, madame, mais pour moi, cet homme que vous voulez défendre est certainement né avec la tête de truand qu'il a aujourd'hui. Je vous conseille d'orienter votre plaidoirie sur des arguments un peu plus convaincants. Vous offensez mon client, monsieur. Ce n'est pas de sa faute, après tout, s'il ne ressemble pas à Alain Delon. Mais c'est peut-être de notre faute à nous tous, si un jour il a été obligé de commettre un vol à main armée. Obligé de commettre un vol à main armée. Vous avez dit obligé. Exactement. Personne ne choisit la voie de la délinquance et personne ne choisit de finir ses jours derrière les barreaux. Voyons un peu alors. Comment donc avons-nous contraint cet homme à acheter une arme, à entrer dans une épicerie, à menacer le propriétaire et les clients et à voler la caisse? La société ne lui a pas laissé d'alternative. Voler la caisse dans un magasin ou laisser ses enfants mourir de faim. La société. Nous y sommes. La société, c'est-à-dire vous et moi, ne lui avons pas donné la possibilité de vivre avec une pension décente. C'est un père de famille que vous avez sous les yeux, un homme seul dans la jungle de la ville. Sa famille, ses enfants, vous ne parlez que de ça. Mais si j'ai bonne mémoire, ses enfants sont tous majeurs. Et sa femme, il y a bien longtemps qu'elle a abandonné le domicile conjugal. Justement, un homme malade, tout seul, sans travail. Comment voulez-vous qu'il vive? Qu'il vive honnêtement? C'est difficile pour tout le monde, madame. Mais tout le monde ne descend pas dans la rue avec un revolver chargé. Regardez-le. Regardez comme il souffre. Personne, jamais, ne lui a donné une chance pour s'en sortir. Et c'est ce que je vous demande aujourd'hui, monsieur le juge, messieurs et mesdames les jurés. Une chance, la première dans sa misérable existence. La possibilité d'avoir un toit, de quoi manger et quelques amis? Exactement, exactement. La prison me semble l'endroit le mieux indiqué, alors. Elle lui assurera une certaine sécurité. Et à nous aussi. Ah ouais, ah ouais. Monsieur le juge, messieurs, mesdames les jurés, je voudrais attirer votre attention sur le triste état dans lequel se trouve actuellement mon client. Regardez-le. Regardez bien le résultat d'une longue vie de sacrifice, de dur travail dans les mines pour nourrir une famille de 10 enfants. Oui, j'ai bien dit 10 enfants. Et d'une maladie pulmonaire qui l'a empêché par la suite de continuer une vie honnête. Je ne voudrais pas vous interrompre, madame. Mais pour moi, cet homme que vous voulez défendre est certainement né avec la tête de truand qu'il a aujourd'hui. Je vous conseille d'orienter votre plaidoirie sur des arguments un peu plus convaincants. Vous offensez mon client, monsieur. Ce n'est pas de sa faute, après tout, s'il ne ressemble pas à Alain Delon. Mais c'est peut-être de notre faute à nous tous, si un jour il a été obligé de commettre un vol à main armée. Obligé de commettre un vol à main armée. Vous avez dit obligé. Exactement. Personne ne choisit la voie de la délinquance et personne ne choisit de finir ses jours derrière les barreaux. Voyons un peu alors. Comment donc avons-nous contraint cet homme à acheter une arme, à entrer dans une épicerie, à menacer le propriétaire et les clients et à voler la caisse? La société ne lui a pas laissé d'alternative. Voler la caisse dans un magasin ou laisser ses enfants mourir de faim. La société. Nous y sommes. La société, c'est-à-dire vous et moi, ne lui avons pas donné la possibilité de vivre avec une pension décente. C'est un père de famille que vous avez sous les yeux, un homme seul dans la jungle de la ville. Sa famille, ses enfants. Vous ne parlez que de ça. Mais si j'ai bonne mémoire, ses enfants sont tous majeurs. Et sa femme, il y a bien longtemps qu'elle a abandonné le domicile conjugal.